Rendez-vous sur les ondes et en public les 3 Les coulisses du son. En couleur, en concert. Sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous, jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, je vous ai choisi un Backstage version française. Alors, juste avant qu'on fait comme d'habitude, on va se plonger avec un premier titre et puis après je vous présenterai la personne ou le groupe du Backstage de ce jour. Voilà, c'est parti. Pour Voilà, donc c'était le premier titre de ce backstage. Donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Il s'agit d'Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes. Donc plutôt, si vous ne connaissez pas son nom, un prénom, eh ben de Zazie. Donc Zazie est un pseudonyme donc d'Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes. Est une mannequin, puis auteure, compositrice, interprète française, née le 18 avril 1964 à Boulogne-Billancourt. Depuis son premier album « Je tue il » au pluriel, en 1992, Zazie a sorti 9 albums enregistrés en studio, 3 en public et 2 en compilation. Depuis 2015, Zazie participe en tant que coach à l'émission de The Voice. Alors après, je vais vous parler un petit peu de sa biographie. Juste avant ça, on va s'écouter un deuxième titre donc de l'album Backstage consacré à Zazie, qui est l'album Rodeo de Zazie, sorti en 2004. Je tiens à préciser, donc sorti en 2004. On va s'écouter J'aime, j'aime, j'aime pas de Zazie. Donc, et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Le reste, je m'en... Voilà donc Zazie, Backstage à Zazie, donc l'album Rodeo, J'aime, J'aime pas. C'était le titre qu'on s'écoutait, le deuxième extrait donc de l'album Rodeo, sorti en 2004. Alors, surnommée Zazie en référence au roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, donc c'est le titre du roman, hein, elle affirme très tôt son penchant pour le domaine artistique. Sa mère, Jacqueline Causé, est professeure de musique, pianiste émérite et choriste de chef d'orchestre suisse. Michel Corboz, son père Hervé de Truchy de Varennes, est un architecte urbaniste qui fait partie des familles de la subsistance de la noblesse française avec le titre de baronnie. Installée entre Bressé et Beuguet à la maison, elle écoute les 3B, Brassens, Brel et Barbara. Et de la musique classique, son frère Phil Baron est également musicien. Zazie pratique le violon pendant 10 ans, un peu de piano et de guitare. Sa prédilection pour l'écriture s'affirme petit à petit. Dès l'âge de 4 ans, elle écrit sa première chanson et sa première pièce de théâtre à 8 ans. Voilà, donc c'est un petit parcours sur sa biographie. Hein. Après, je vais vous parler de sa carrière qui a commencé vers 91. Mais avant ça, on va s'écouter Excuse-moi, troisième titre de Zazie. Vous écoutez Backstage. Excuse-moi si je te laisse tomber au beau milieu du repas, mais j'en ai soupé de toi. Excuse-moi, fini les bons petits plats. Tu n'as plus qu'à réchauffer une autre femme au foyer, une qui t'aime sans poser de problème, plus naïve et plus zen, une autre que moi, une qui soit belle et bête à la fois, qui se jette sur toi, une autre que moi. Excuse-moi, je saurais me débrouiller. Tu sais, les filles ne sont pas plus con que les garçons. Excuse-moi de ne pas te ménager, mais les filles de mon espèce, on ne les tient pas en laisse. Va chercher celle que tu Voilà, donc troisième extrait, Excuse-moi, de l'album Rodeo, sorti en 2004 de Zazie, spécial backstage, donc à Zazie aujourd'hui. Alors, début et premier succès de 91 à 94, après l'obtention d'un lauréat littéraire à 16 ans, elle entame 3 ans d'études de kinésithérapeute, puis de langues étrangères appliquées, anglais, espagnol et japonais. Mais consacre son temps libre à son synthétiseur. Elle se lance ensuite du haut de son 1m76, donc 1m76, dans le mannequinat. Et pendant une dizaine d'années, elle défile aussi bien pour des marques de maillots de bain et de prêt-à-porter que pour des grands noms de haute couture tels que Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld ou Kenzo. Mais l'univers de la mode n'est qu'une ressource alimentaire. Elle n'y fait pas une grande carrière et sa passion reste la musique. Grâce à une amie mannequin et musicienne, Zazie a l'opportunité de faire partie des chœurs sur un titre de chanteur Fabrice Guinard. Elle apparaît pour la première fois à la télévision en 1986 avec Alain Lanty, puis accompagne au saxophone Pierre Cozot. Elle prête également sa voix pour la publicité à la radio, Opel, Cochonou, Martini, et à la télévision, L'Oréal, Saint-Moré, etc. Et les nuls font appel à elle pour la chanson d'une fausse publicité. On peut aussi l'apercevoir en choriste d'Alain Chamfort avec Véronique Sanson dans Les Nuls, l'émission numéro 20. Ce n'est qu'en 1990 que Zazie tente réellement de se lancer dans la chanson. Encouragée par Étienne Rodagil, elle signe en 1991 chez Phonogramme et publie en 1992 « Je tue il », son premier album enregistré dans les studios de son idole Peter Gabriel. Elle en écrit quasi tous les textes, participe à la composition et collabore avec Pascal Obispo, encore méconnu, sur le titre 1, 2, 3, Soleil. Le premier single, Sucré-Salé, permet à Zazie de se faire remarquer et d'intégrer le top 50. Zazie est alors sacrée révélation féminine aux victoires de la musique et même si ce premier album ne rencontre finalement qu'un succès d'estime, la carrière de la chanteuse est lancée. On va s'écouter le quatrième extrait donc de cet album Rodeo. On va s'écouter Toc, Toc, Toc. Backstage, les coulisses du son. Toc, toc, toc, mais qui est là? Le loup qui te mangera. Depuis que le monde est monde, on nous le dit. S'il te fait les yeux doux, ma fille, tu t'enfuis. Et s'il hurle dans ta cour, nous on va surtout tard. Mais qui est là? C'était bien entendu Zazie, quatrième extrait de l'album Rodeo Backstage, consacré à cet album sorti en 2004. Alors, reconnaissance de 95 à 99, le deuxième album de Zazie sort en 1995. Tous les textes sont signés Zazie et chacun des extraits connaîtra un grand succès. Larsen, qui pour moi est une des plus belles qu'elle ait écrites. Zen, entre autres, Un point c'est toi. Et Home Sweet Home, plus abouti, cet album se vend à plus de 500 000 exemplaires. Après une victoire de la musique pour le clip de Larsen, elle fait salle comble à la Cigale et sa tournée. Zazie est en ville, remporte un franc succès. Désormais, sa notoriété lui permettra d'écrire et de composer pour d'autres artistes comme Julie Zenati, Florent Pagny, Johnny Hallyday, Jane Birkin, Patricia Cass, Isabelle Boulet, David Hallyday, Calogero, Axel Bauer et Christophe Willem. La même année, elle enregistre un titre pour Saul Hansi avec Alain Chamfort avant de rejoindre l'équipe en 1997 pour une série de concerts. En 1996, paraît un duo avec Pascal Obispo, Les meilleurs ennemis, extrait de l'album de ce dernier, Superflu, dans lequel elle participe à l'écriture et au chœur. Tout comme les deux premiers albums du chanteur, dont les chansons Plus que tout le monde et L'île aux oiseaux. Elle enregistre également Rose avec Dominique Dalcan, BO du film Ma vie en rose, sorti en 1997. Chanson des baleines de Parapluie pour la nouvelle version d'Émilie Joly. Compose la musique du film Tout doit disparaître et intègre Les Enfoirés. Elle est alors consacrée aux victoires de la musique en 1998 en recevant la victoire de l'artiste interprète féminine. Elle présente ensuite l'album Made in Love, considéré comme celui de la maturité. Elle ne collabore plus avec Pascal Obispo, mais compose elle-même toutes les musiques sauf pour Chansons d'amis et écrit toutes les paroles plus sombres. Cet album, lancé par le jingles Tous des anges, fait l'objet d'une promotion originale. L'intégralité de l'album fut diffusée sur TF1 à 2h du matin. À l'image, on peut voir le plan fixe d'un poste de radio. Le clip de Ça fait mal et ça fait rien, jugé trop violent et censuré, et seul tout le monde connaît un véritable succès. L'album se vend à plus de 400 000 exemplaires. Elle est remarquée au début de 1999 dans le film Didier de Le Pêcheur, J'aimerais pas crever un dimanche, aux côtés d'Élodie Boucher et de Jean-Marc Barr. Mais c'est sur scène avec Le Tour des anges que Zazie rencontre le plus de succès, avec plus de 70 dates ainsi qu'une demi-tournée en Asie, Birmanie, Cambodge, Vietnam et Singapour. La tournée est immortalisée sur l'album et le DVD Made in Live. On va s'écouter un cinquième extrait, La pluie et le beau temps. En parlant de beau temps, j'espère que on aura du bon temps tout à l'heure. Voilà, donc cinquième extrait de l'album de Zazie Rodeo. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusqu'à 10h30. C'est Scream pour Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. RQC. Vous écoutez Backstage. Voilà, donc vous écoutez Backstage, bien entendu, sur RQC 95 FM, et si vous êtes sur Internet, bien sur rqc.be. Alors, Backstage consacré, bien entendu, à Zazie pour l'album Rodeo, sorti en 2004. Ça fait déjà quand même 13 ans. Après une courte absence, elle réapparaît lors des concerts de ses amis auxquels elle participe. Elle chante en duo avec Axel Bauer sur le titre « À ma place », qui, avec plus de 500 000 exemplaires vendus, se hisse au sommet des charts de l'été 2001. En octobre 2001, paraît l'album La Zizanie, lancé par le single Rue de la Paix, ce titre dans lequel elle compare la société à un jeu de Monopoly rencontre également un grand succès, tout comme le suivant Adam et Yves. Pour ce quatrième album, Zazie change d'équipe. Seul Pierre Jaconelli est toujours présent pour la réalisation. Les ventes de cet album atteignent 500 000 exemplaires. Les places pour une série de concerts au Bataclan sont rapidement vendues avant que les dates ne soient repoussées l'année suivante car la chanteuse attend un enfant. Après avoir décroché une nouvelle victoire de la musique, l'artiste de l'année, elle donne naissance en août à sa fille Lola. Au début de 2003, Zazie squatte le Bataclan, retracé dans le CD-DVD The Live, et part en tournée dans toute la France. Par la suite, Rodeo, son cinquième album, sort le 22 novembre 2004, accompagné d'un DVD Rodeo Indien, où figurent 10 clips tournés à Bombay. Plus pop, les compositions sont signées Jean-Pierre Pilot, Philippe Paradis et Zazie. L'album atteint rapidement 400 000 ventes sans qu'aucun single extrait n'ait connu un véritable succès. Elle part en tournée de juin en septembre 2005 en passant entre autres par Bercy et sort dans la foulée son troisième album live Rodeo Tour. Son sixième album, Totem, sort le 12 février 2007 et se classe directement numéro 1 des ventes avec plus de 50 000 exemplaires écoulés en une semaine. Lancé par le single Des Rails, le deuxième single Je suis un homme rencontre un grand succès et permet à l'album de s'écouler à plus de 350 000 exemplaires. Elle entame une tournée le 1er juin 2007. Avec notamment 4 dates au Zénith de Paris et 2 à Forêt Nationale de Bruxelles. L'année 2007 s'avère être une année très lucrative. Avec 1,380 millions d'euros, elle est la chanteuse qui a gagné le plus d'argent en 2007 et se classe en 5e position parmi les artistes françaises. Au début de 2008, le Totem Tour se poursuit dans des salles plus intimistes, dont une date exceptionnelle à Londres, au Shepherd Bush Empire et 2 soirs à La Cigale. À la même époque, elle est l'artiste la plus nommée aux Victoires de la Musique avec une nomination dans 5 catégories, artiste féminine, album de variété, tournée chanson et clip de l'année, pour « Je suis un homme ». Toutefois, elle repart sans aucune récompense, mais voit la chanson « Double jeu » de Christophe William, dont elle a signé les paroles, rafler la victoire de la chanson de l'année. Le 17 novembre 2008 sort sa première compilation « Zest of » regroupe une sélection de 36 titres retraçant les 16 ans de carrière de la chanteuse, dont 2 inédits, FM Air et Un peu beaucoup, ainsi que 4 titres live captés pendant la dernière tournée. On va s'écouter un 6e extrait de cet album Rodeo. On va s'écouter Mon cœur à la science. Backstage, les coulisses du son. Versa alléger mes souffrances. Voilà donc Mon cœur à la science, c'était le sixième extrait de l'album Rodeo consacré donc à Zazie, sorti en 2004, cet album Backstage, donc Rodeo. En septembre 2010, Zazie revient avec une création musicale différente des précédentes pour son septième album. Elle se lance dans un vaste projet 7 qui se compose de 7 EP ou mini-albums si vous préférez, de 7 chansons pardon, chacune. La sortie de cet opus se fait en plusieurs étapes. Après un CD de 14 titres extraits d'un projet global, paraissent progressivement sur internet les 7 EP en raison d'un par semaine. Un coffret contenant l'intégralité des 49 titres sort ensuite dans les bacs le 29 novembre. S'ensuit une longue tournée à travers la France de 110 dates d'avril 2011 en février 2012. Le 8e album de Zazie, Cyclo, paraît en printemps 2013. L'album réalisé par Olivier Coursier du groupe Iron est mixé par Tony Holfer et soutenu par le titre Les Contraires, Mobile Home, 20 ans et temps pluvieux. Sont disponibles sur le site officiel de la chanteuse. Une tournée de 18 dates Cyclotour commence le 12 novembre à Dijon pour se terminer le 14 décembre à Genève. En 2014, Zazie fait partie aux côtés de Dorselane et de Pascal Clark, Didier Varrod et 4 autres professionnels du jury de Radio Crochet de France Inter. On a les moyens de vous faire chanter. Le Radio Crochet est à l'antenne jusqu'au 21 juin, jour de la finale en direct de l'Olympia. La même année, elle travaille avec Hélène Segarra sur l'album Tout commence aujourd'hui. Le 19 juin 2015, elle présente un nouveau single, Discold, premier extrait de l'album Encore heureux, qui paraît le 30 octobre. Réalisé avec Philippe Paradis et Edith Fombuena, l'album est certifié disque d'or. Zazie entame alors une nouvelle tournée de près de 80 dates qui débute au Théâtre de Londres à Vélizy le 20 février 2016. Le retour, qui passe notamment par les Folies Bergères pour une série de 12 concerts, s'achève le 15 décembre au Bataclan. Parallèlement, Zazie dévoile le 4 novembre 2016 sa première intégrale présentée sous la forme d'un luxueux coffret et contenant l'ensemble de ses 9 albums studio ainsi que des titres inédits et rares. En 2016, elle coécrit les chansons de la comédie musicale Rouge et Noir produit par Albert Cohen. Le 28 mars, Zazie rejoint la société de management NP créée par Pascal Nègre en 2016. En 2017, Zazie intègre le casting du jury présidé par Jacques Weber pour la 9e édition du Festival international du film policier. Le festival a lieu le 29 mars au 2 avril à Beaume. Le jury a pour mission de départager 6 films en compétition. Le conte musical Le Soldat Rose revient en 2017 pour le troisième volet. 11 ans après, Le Soldat Rose 1, qui avait été un immense succès, Le Soldat Rose 3, est à nouveau écrit par Pierre-Dominique Burgot, mais le casting est différent puisque c'est Alain Souchon et ses fils qui composaient les 12 chansons du conte. Renan Luce incarne le célèbre soldat rose. Zazie fait également partie du casting et une représentation est attendue le 22 novembre 2017 à l'Olympia et l'album incluant les 12 nouvelles chansons sortira le 24 novembre. On va s'écouter un autre extrait avec le titre Lola Majeure et après je vous parlerai un petit peu de Zazie et la télévision et sa vie privée. Vous écoutez Backstage. Donc, septième extrait, Lola Majeure, extrait de l'album Rodeo de Zazie. Alors, on poursuit à la télévision en 2009. Elle participe à l'émission Rendez-vous en terrain inconnu chez les Koroway en Papouasie occidentale. Zazie est présente pour le show Alors on chante, célébrant les 20 ans du site d'action diffusé le 28 novembre 2014 et Les Enfoirés en chœur diffusé sur TF1 le 12 décembre 2014, émission dans laquelle plusieurs artistes s'affrontent en deux équipes dans un quiz sur Les Enfoirés. En 2015, lors de la quatrième saison, Zazie devient coach de l'émission à succès de TF1 The Voice avec Jennifer, Mika et Florent Pagny. Son finaliste Lilian Renaud remporte la saison. Zazie reste coach sur la saison 5 et 6. En vie privée, Zazie a une fille, Lola, née en août 2002, de son union avec le musicien Fabien Cahen, séparée de celui-ci. Elle a aussi vécu avec le musicien Philippe Paradis, dont elle s'est séparée en septembre 2015. Alors, Quelques mots sur, sur les œuvres caritatives, caritatives qu'elle fait. Zazie participe à plusieurs œuvres caritatives depuis de nombreuses années. Elle est fidèle aux Enfoirés depuis 1997, ainsi qu'à l'occasion de Soul en Cirque depuis 1995, par laquelle elle a écrit un conte musical Soul en Cirque en 2003 avec Vincent Bouguillon et Jean-Marie Lowe. Outre les grandes associations caritatives, la chanteuse a l'habitude d'apporter son soutien à diverses causes pour, par l'intermédiaire de la chanson « Au nom ». En 2005, elle participe à un concert de soutien à Ingrid Betancourt. Le 6 octobre 2009, elle participe à une veillée silencieuse au soutien au prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Le 22 novembre 2009, Zazie apporte son soutien à la cause écologique en participant au concert Ultimatum Climatique avec Trio, Bernard Lavilliers et Yannick Noah. Le 24 janvier 2010, elle rejoint de nombreux autres artistes sur scène au Zénith de Paris et chante pour les victimes du séisme de Haïti. Zazie est présente à la soirée de lancement du site de l'association Ferdinand le 10 mai 2010. Depuis 2012, elle est l'ambassadrice aux côtés de Caterina Murino, Laura Flessel, Béatrice Schoenberg et Assia Mengia, entre autres de la campagne française Stand Up for Africa Mother de la MAMREF Flying Doctors, qui vise à former des sages femmes pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile en Afrique. En décembre 2015, elle est la marraine de l'opération caritative belge Viva for Life, organisée au profit des enfants de 0 à 6 ans vivant dans la pauvreté pour la radio RTBF Vivacité. La cagnotte finale est récoltée, ça s'élève à 3,28 millions d'euros. Alors, avant de vous parler en vitesse de Rodéo, on va s'écouter un 8e extrait. On va s'écouter justement le titre Rodéo. Backstage, les coulisses du son. Rodéo, c'est la vie, pas le paradis. Rodéo, c'est la vie, pas le paradis. T'es tombé dans le piège, cow-boy par le siège. T'as misé sur le mauvais cheval. C'est ton premier cri et tout le monde applaudit. Ça fait plaisir, mais ça fait mal. Tu tombes sur maman, tu te dis finalement que t'aurais pu tomber plus mal. Et jusque-là, ça va, mais cow-boy n'oublie pas qu'il est ta bascule. Ton cheval, c'est du rodéo. C'est la vie, pas le paradis. Rodéo, c'est la vie, pas le paradis. D'abord à quatre pattes, tu tombes, tu te rattrapes. Et puis l'école, on peut pas dire ça t'emballe. Du coup tu traînes dehors, cowboy, t'es le plus fort. Voilà, donc c'était le titre Rodeo, titre éponyme hein, de l'album Rodeo de sortie en 2004. Justement, Rodeo est le cinquième album de Zazie qui est sorti le 22 novembre 2004. Il s'est vendu à 350 000 exemplaires. Pour la première fois, Zazie consigne la totalité de ses titres avec les compositeurs Jean-Pierre Pilot et Philippe Paradis. L'album a été enregistré dans une maison du Luberon en novembre 2003. Il devait s'intituler, entre autres, La Dolce Vita. L'idée a été abandonnée car le chanteur Danny Briand avait déjà enregistré un album de ce nom. Puis oui, mais, et c'est le titre de Rodeo qui fut retenu. Il est d'abord sorti en deux éditions différentes, une édition simple et puis une édition SACD comprenant un titre bonus, Mon cœur à la science, ainsi qu'un DVD. Ce dernier regroupe les clips de 10 titres de l'album sous forme d'un film de 40 minutes intitulé Rodeo Indien. Comme son nom l'indique, ce film a été tourné en Inde par Didier le Pêcheur, qui avait déjà réalisé plusieurs clips de Zazie. Ce DVD comprend également un making-of de l'aventure indienne, un bêtisier caché et une version remixée à la sauce indienne et des titres tous des anges. Un point, c'est toi et Zen. Je change de page. Deux autres versions de l'album sont ensuite apparues. Une version avec le CD Slipak, identique à la version classique, mais le prix réduit et son livret. Et un autre CD recycleur. On va s'écouter un titre et puis je vous parlerai des titres et des personnes qui ont été sur cet enregistrement. Et puis il sera déjà l'heure de se quitter. On va s'écouter Slow. Vous écoutez Backstage. Qui n'en finit pas. Alors voilà, donc sur cet album on retrouve les titres La Dolce Vita, J'aime, J'aime pas, Excuse-moi, Toc Toc, La pluie et le beau temps, Mon cœur à la science, Lola Major, Rodeo, Slow, Dolly Didam, Dom, Sauver le monde, Oui, j'arrive, Ghost. C'est une version cachée, bien entendu. Alors, dans le groupe, on a Zazie qui chante, hein, Jean-Pierre Pilot, programmation, clavier, direction, orchestre, Philippe Paradis à la guitare, Mathieu Rabaté à la programmation et batterie, et Mars à la basse sur Dolce Vita, Dolly Didium et Sauver le monde. Voilà, nous, le backstage est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage consacré... quelque chose d'un peu plus rock à mon avis, et on verra. Voilà, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, et bien sûr on restez bien branchés sur RQC 95 FM tous les jours de la semaine, du soir au matin, même le week-end, même la nuit. Il y a un très très bon programme. Ciao les amis, on se quitte avec Dolly Didum de Zazie de Rodeo, sorti donc en 2004. Ciao. Backstage, les coulisses du son. On gardera l'énergie pour animer cette émission ce matin, et puis qu'on sera en rediffusion mercredi. J'espère que mercredi...